Dommage, on s'est laissé comme otage sans éloigner. Le naufrage est encore tout près quand j'aperçois qu'on peut y arriver. Le dommage est le sens qui t'effraie. Il ne veut pas rejoindre ton oreille. J'essaye, je ne peux que te décevoir. M'accorderas-tu un nouvel égard? Reste près de moi, je garderai l'espoir. Reste près de moi, je veillerai sur toi. Reste près de moi, je prendrai soin de toi. Reste près de moi, je garderai l'espoir. Reste près de moi, je veillerai sur toi. Reste près de moi, je prendrai soin de toi. Pourquoi on n'arrive plus à y voir clair? Dommage, j'ai laissé mes yeux se fermer sous ce grand drap. La foi m'a peut-être quitté, un peu découragé, et puis voilà. J'ai souhaité te faire encore du mal, te faire des dommages, et puis les oublier. On tournoie, devenant prisonnier de cet espace-temps entrelacé. Reste près de moi, je garderai l'espoir. Reste près de moi, reste près de moi, je veillerai sur toi. Reste près de moi, je prendrai soin de toi. Reste près de moi, je garderai l'espoir. Reste près de moi, je veillerai sur toi. Reste près de moi, je prendrai soin de toi.